Chin chin, arasante. Chin chin, je vais t'oublier. Depuis que tu es parti, je me noie dans les whisky. Chin chin, encore une fois, chin chin, oh yeah. Chin chin, à mes amours. Chin chin, que me réveille un jour. Je suis prêt à lui pardonner quand un tourneau te pourrait commencer. Chin chin, mais jusqu'à la chin chin, oh yeah. J'ai l'imagine des plus dans tes bras, lui qui dans tes mots tout, qu'à moi qui se je reste à planquer là là. Chin chin, je me sens bien. Chin chin, avec mon chagrin. Je ne puis qu'à continuer. Ce n'est comme ça qu'on entend le passé. Oh, chin chin, encore une fois, chin chin, oh yeah. Jusqu'à la chin chin, oh yeah. Chin chin, mais jusqu'à la chin chin, oh yeah.